Nous sommes le 15 février 2020. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Tout de suite, les titres. Le Conseil des ministres a adopté la politique de la protection de l'enfant. Le porte-parole et secrétaire général du gouvernement trouve que c'est une solution au problème qui hante les enfants au Burundi. Et certains responsables des industries de transformation agroalimentaire se lamentent du retard dans l'octroi des certificats de leurs produits. Vous aurez les détails dans ce journal. Et les effectifs des abandons scolaires montent dans la commune de Muyinga. Au cours du premier trimestre, plus de 1000 abandons sont déjà enregistrés. Et comme à l'accoutumée tous les samedis après ce journal, je cède le micro à Elini Benibigira et Jean-Bosco Ndouimana pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue pour les détails. Albert Ndouaïo est à la cabine technique. Moïse Misago est à la présentation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres est tenu ce mercredi à adopter la politique nationale de la protection des enfants 2020-2024. Lors de l'analyse du projet irrelatif, il a été souligné que cette politique s'inscrit dans la volonté du gouvernement qui a mis dans ses priorités l'intérêt de l'enfant. Il souligne en outre que cette politique est une solution aux problèmes auxquels font face les enfants. Suivez les précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Ntahogwamiye. Politique nationale de protection de l'enfant au Burundi 2020-2024. Cette politique a été présentée par le ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre. Cette politique s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du gouvernement du Burundi qui a inscrit dans ses priorités l'intérêt supérieur de l'enfant quand il a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les autres instruments internationaux relatifs à la protection de l'enfant. Elle propose des solutions claires aux différentes situations problématiques auxquelles les enfants burundais sont confrontés. Certains sont dans des situations de violence, d'exploitation, de discrimination, d'abus et de négligence. Des réflexions et des consultations avec les acteurs qui sont en contact avec les enfants ont été menées en vue de proposer des voies de sortie pour améliorer la situation des enfants au Burundi. Ainsi, cette politique dresse un tableau synoptique de tous les obstacles rencontrés et montre des actions à mener pour les surmonter. La vision de cette politique est que le Burundi offre à chaque enfant un environnement politique, légal, institutionnel et communautaire, rassurant à travers un système de protection solide répondant aux principes de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il convient de souligner que cette politique est la version améliorée de celle qui a été mise en œuvre pendant la période de 2012 à 2016. Elle a été élaborée sur base des recommandations issues de l'évaluation faite en 2017. À l'issue de l'analyse de cette politique, le Conseil l'a adoptée. Page justice transitionnelle, les déposants qui sont confiés à la commission Vérité et Réconciliation demandent au gouvernement que les familles des victimes des crimes du passé soient assistées moralement et matériellement. Lors de la présentation du bilan à mi-parcours des travaux d'exhumation déjà menés au bord de la rivière Ouvou en province Karoussi, le président de la CVR a aussi précisé que ces témoins souhaitent que de tels crimes soient bannis pour toujours. Suivez Pierre Clavendaïcharier, il est président de la CVR. Les vœux exprimés par les déposants sont notamment que plus jamais le pays ne doit tomber dans ces tueries de 1972, que les ossements en cours d'exhumation puissent être enterrés en toute dignité et que les familles des victimes soient soutenues moralement et matériellement par l'État. Les personnes entendues par la commission sévère rappellent leur attachement à l'unité, à la paix et à la sécurité au Burundi, afin d'éviter aux générations futures un drame pareil. Page éducation à présent, plus de 1000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés dans la commune Muyinga pour le premier trimestre. Lors d'une réunion d'auto-évaluation de tous les enseignants de cette commune ce vendredi, le directeur de l'enseignement dans cette commune dénonce l'attitude de certains parents délaissant les enfants aux enseignants. De leur côté, certains parents réclament la multiplication des assemblées avec les responsables scolaires pour redresser les élèves à temps. Dieudonné Nzeimana, correspondance. Au total, 1024 écoliers ont quitté le banc de l'école fondamentale au cours du premier trimestre et 115 au poste fondamental. Un cas alarmant est celui d'une fillette de moins de 15 ans engraissée. En présence de tous les enseignants de la commune Muyinga, à notre évaluation vendredi, Jean-Baptiste Bassomingera, directeur communal de l'enseignement, fustige le comportement des parents démissionnaires. Inscrire l'enfant à l'école n'est pas suffisant pour croire à un encadrement complet. Frère François Bizindavi, responsable des écoles sous convention catholique, invite les directeurs d'école à organiser toutes les réunions réglementaires et de manière systématique, degré par degré, chaque parent avec son enfant, pour arrêter ensemble des stratégies d'encadrement à l'école comme à la maison. L'auto-évaluation a été aussi l'occasion de rappeler à l'ordre des enseignants qui brillent par absentéisme, retard pour ceux qui demandent des rifts ou encore ceux qui font avancer de la 6e à la 7e, des écoliers incapables de conjuguer au présent tout l'indicatif, le verbe avoir ou être, et cela depuis qu'elle ne passe plus le concours national en 6e année. Muyinga, Dieudonné, Nzeimana, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page commerce, à présent, des opérateurs du secteur agroalimentaire se plaignent du retard dans l'octroi des certificats pour confirmer que leurs produits remplissent des normes exigées. Lors d'une rencontre de sensibilisation sur le paiement des taxes de consommation ce vendredi, ces commerçants affirment que certains de leurs produits expirent avant d'être écoulés. Au sein du BBIN et Bureau burundais de normalisation en charge de l'octroi de ces certificats, l'on explique cette situation par le manque des équipements, mais rassure que le gouvernement est à l'œuvre pour trouver solution à ces problèmes. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Dans cette réunion organisée par l'Office burundais des recettes, OBR, ce vendredi, à l'intention de ceux qui travaillent dans le secteur agroalimentaire, la majorité des contribuables sont revenus sur la question de savoir pourquoi le BBN ne donne pas à temps des certificats, ce qui entrave leurs activités. Au niveau de BBN, c'est que pour pouvoir faire leurs études biologiques, ils doivent utiliser des réactifs. Pour la plupart, les réactifs ne sont pas même là dans leur stock. Et ils ne te disent même pas qu'il n'y a pas de réactif. Tu vas faire la chaîne, tu vas faire les courses, même si c'est longtemps après que tu découvres effectivement qu'il n'y avait pas de réactif. Et aussitôt que ces documents sont là, ce n'est pas certain que dans 2 mois tu en as. Nous, en tant qu'entrepreneurs, si nous créons des entreprises, nous devons chercher des formalités, des documents au sein de BBN. Pourtant, BBN ne nous facilite pas les choses pour obtenir ces documents. Nous, on ne peut pas comprendre comment je peux faire une demande pour des documents et faire une année. Celui qui a représenté l'OBN a dit qu'ils vont soumettre cette question à leurs supérieurs pour qu'une solution soit trouvée. En ce qui est des documents nécessaires pour le bon déroulement de vos activités dans un moment précis, nous pensons que vos préoccupations seront présentées à nos supérieurs pour qu'il y ait la bonne collaboration avec d'autres secteurs afin que vous puissiez bien travailler et démarrer vos activités. Les participants ont souhaité que l'OBR et le Bureau burundais de normalisation se mettent ensemble et échanger sur la facilitation dans l'octroi de ces documents. Contacter les responsables du bureau burundais de normalisation, ils ont dit qu'ils sont au courant et que le gouvernement est en train de tout faire pour trouver du matériel nécessaire afin qu'il n'y ait plus de grogne de ceux qui cherchaient des certificats au sein du BBN. Merci Jean-Marie Mayonga pour toutes ces précisions. Le parti CNDD prendra part aux prochaines échéances électorales en coalition. C'est l'annonce faite par Gaspard Kobako, secrétaire et porte-parole de ce parti, après une réunion sur les préparatifs aux élections générales de 2020. Une réunion tenue ce samedi. Il demande que la sécurité soit assurée pour tous les politiques qui battent campagne. Suivez plutôt Gaspard Kobako, dont les propos ont été recueillis par Ornella Mucho. Le parti CNDD est prêt à participer dans ces élections et nous l'avons affirmé depuis l'année dernière et nous le réaffirmons aujourd'hui parce que ce sont les militants du CNDD qui nous le demandent et nous disons que s'ils sont prêts, s'ils demandent qu'ils ont les moyens nécessaires, qu'ils se préparent comme ils se sont préparés depuis fort longtemps, que rien ne nous empêche d'aller aux élections. Nous entendons y participer dans le sens de déléguer nos mandataires pour aller assister les différentes périodes de scrutin au cours du processus partir du moment où il a été mis en place. Je dois souligner que c'est un processus auquel nous avons été exclus parce que nous avons introduit des demandes pour faire partie intégrante des CEPI, des CECI, Commission électorale nationale, dite indépendante, nous a refusé cela. Malgré tout, nous avons persisté et signé que nous irons aux élections au même titre que les autres partis. Sauf si nous en sommes empêchés du point de vue sécuritaire, du point de vue des documents qui sont exigés, s'ils ne sont pas donnés avec facilité, comme le ministre de l'Intérieur l'a si bien déclaré, qu'il continue à redéclarer aujourd'hui. Nous demandons d'être sécurisés au même titre que les autres partis, bien sûr, parce que la sécurité, c'est pour tout le monde. Dernièrement, le maire de la ville nous disait que nos membres doivent faire partie intégrante des comités mixtes de sécurité. Et nous avons déjà adressé aux instances qui nous dirigent de pourvoir les éléments nécessaires pour faire partie de ces comités mixtes de sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas présenté de candidats aux élections présidentielles, encore que les candidatures ont été déposées. Les candidats sont aujourd'hui connus. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de nous intégrer dans une coalition et les militants du CNDD savent déjà à qui ils vont donner leur voix. À 13h07, bouclons ce journal par cet élément de la parlant agriculture des caféiculteurs de la province Poubanza disent que le café est mûr alors que les usines de dépulpage sont encore fermées. Ils demandent que ces usines ouvrent et commencent à recevoir ce produit avant qu'il ne soit tard. À la direction provinciale de l'environnement, agriculture et élevage à Poubanza, on demande à ces cultivateurs de patienter et qu'on est en train de procéder à la remise aux reprises entre les anciennes associations et d'autres qui vont faire la relève. Piscartas Kabanyana, correspondance. Les cultivateurs de café dans les communes de Musigati, Lugazi, Poubanza et Manda sur la Mante et disent que le café est déjà mûr et qu'ils ne peuvent pas le récolter puisque les usines de dépulpage ou les stations de lavage café sont fermées jusqu'à présent. Ils s'inquiètent que ce produit risque d'être endommagé. Et certains cultivateurs ont déjà commencé à cueillir leur café, procèdent au dépulpage eux-mêmes et après séchage, ils le vendent dans les différents marchés aux commerçants privés. Ces cultivateurs nous ont signifié que c'est une grande perte du côté des usines, mais aussi du côté des cultivateurs eux-mêmes, car ces commerçants leur donnent des prix très minimes, comme ils le disent. Ils demandent que cette question soit résolue pour limiter les pertes. À la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Poubanza, on demande à ces cultivateurs de patienter et que ces usines vont bientôt ouvrir les portes pour recevoir ce café. Wilinda Ikeza, directeur à la DPAE Poubanza, explique qu'on est en train de procéder aux activités de remise et reprise entre les anciennes associations et celles qui vont continuer le travail en rapport avec le café. Space Caritas Kabanyana, Poubanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kabanyana. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouaïo pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Eleni Benibigira et Jean-Bosco Ndouimana. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'endroit d'où vous nous suivez. Ne gâchez pas la petite enfance de Junior, titre le journal Iwachu. Dans son éditorial, il fait référence à un enfant qui s'est retrouvé en prison à une année et demie de naissance. Selon l'hebdomadaire, il n'a commis aucun délit et n'est pas en conflit avec la loi. Quand bien même ce serait le cas, estime notre confrère, il n'a pas encore l'âge minimum de responsabilité pénale. Il s'agit de Junior Nganjiimana qui est sous les verrous parce que sa mère se retrouve là, rapporte notre confrère. Je ne peux pas alimenter la polémique sur les procédures judiciaires comme certains se déchaînent sur les réseaux sociaux. Je respecte la justice. Tout de même, comme parent, la situation de Junior ne peut pas me laisser indifférent. Ni prisonnier, ni libre, il n'est référencé sous aucun titre d'incarcération car il n'a évidemment commis aucun crime ni délit. considère l'éditorialiste. Il note que les enfants de moins de 5 ans ont besoin d'accéder aux médicaments essentiels, aux soins, à la vaccination et à l'alimentation équilibrée. Partant de cet emprisonnement de Junior, qui risque de l'affecter psychologiquement, Iwachu implore les autorités habilitées de méditer sur le développement de la petite enfance et le constat des économistes. L'investissement dans la petite enfance est le plus rentable des investissements que peut faire un pays. Ses retombées, qui sont étalées sur une vie entière, représentent bien des fois le montant investi à l'origine. Sans doute que Junior et d'autres condamnés collatéraux, des enfants des détenus, jouiront la petite enfance, espère-t-il. Recrutement sur concours, une pratique à encourager, selon la voix de l'enseigne. Ce journal annonce que désormais, le pourvoi des fonctionnaires se fait sur concours. Il rappelle qu'on l'a vu avec le recrutement des 2000 enseignants qui viennent d'être affectés dans différents postes à travers tout le pays. Cette fois-ci, écrit son confrère, c'est au tour du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida d'être pourvu en agent de santé. Pour la présidente de la Commission nationale de recrutement, en même temps directeur général de la fonction publique, Nadine Nimbabazi, il s'agit de se conformer à la loi en matière de recrutement à la fonction publique. Cet hebdomadaire de l'éducation note que le paysage syndical burundais encourage cette pratique et demande que de tels concours se fassent aussi dans les para-étatiques pour permettre à ceux qui sont capables d'occuper des emplois. Il en appelle à la vigilance des organisateurs. Le dernier concours d'entrée à la fonction publique avait eu lieu en l'an 2000, rappelle la voix de l'enseignant. Revue de la presse. L'administrateur et directeur général adjoint de la Banque Obo, Sylvain Wanghimbaga, élevé au rang de président du club des dirigeants des banques d'Afrique, écrit Net Press qui notait que c'est un point positif pour notre pays. Par ailleurs, poursuit ce quotidien à ligne, il y aurait une reprise de la coopération entre le Burundi et les institutions de Bretton Woods et que le portefeuille de la Banque mondiale est actuellement chiffré à 713 millions de dollars américains. Net Press annonce également la présence au Burundi d'une délégation du Fonds monétaire international qui rencontre des officiels de haut niveau avec au menu du jour la reprise du programme cadre du FMI suspendu en 2015. Rumonge, la femme rurale tournée vers d'autres métiers, rapporte Burundi Echo, expliquant que suite à l'exiguïté et à la rareté des terres cultivables, la femme rurale n'est plus attachée au travail de la terre, mais elle se tourne vers d'autres métiers pour gagner sa vie, ce qui fait sa fierté. Mais elle demande d'être soutenue, souligne cet hebdomadaire, qui précise qu'elles sont visibles dans les unités de transformation de l'huile de palme, du manioc et du riz, ainsi que dans le petit commerce et dans l'artisanat comme coiffeuse ou servante, dans un restaurant ou dans un bistrot. L'agence burundaise de presse écrit sur plus de 200 Burundais rapatriés volontairement en provenance de la Tanzanie, passant par la province Makamba. Ils sont rentrés mardi 11 février 2020 et ont passé leur première nuit au centre de transit d'Ogatara en commune Mabanda de la province Makamba pour être transportés vers leur commune d'origine, rapporte notre confrère qui précise que ces rapatriés burundais proviennent essentiellement des provinces Ruyigi, Changuzo, Makamba et Rutana. Selon cette agence, ils étaient regroupés dans les camps d'Onduta, Nyarugusu et Mutendeli, tous de la Tanzanie. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Elini Belnivigira et Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.